Le problème est double. Il est politique, en ce sens qu'il n'est pas possible d'admettre qu'une question intéressant un si grand nombre de nations soit résolue par un seul homme, en fonction de son orgueil personnel, sans consultation ni coopération avec les différentes nations intéressées. Il est économique, puisque le libre transit des navires à travers le canal de Suez a une influence directe sur l'approvisionnement et le commerce extérieur d'un certain nombre de pays, comme la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, et bien d'autres, en Europe comme en Asie et en Afrique. Alors, cette affaire de Suez et l'ICAM Bokolo, qui oppose-t-elle? Comment se déroule-t-elle et quelle en est l'issue? Il y a plusieurs crises dans la crise de Suez. Il y a d'abord l'affaire de la construction du barrage d'Assouan, pour lequel Nasser escomptait recevoir l'argent des pays occidentaux qu'il ne reçoit pas. Il y a ensuite la nationalisation du canal de Suez proprement dit, puisque c'est là que se trouve l'argent et que Nasser décide de le prendre. Il y a ensuite une dimension internationale, puisque parallèlement à la guerre entre l'Égypte et Israël, interviennent les troupes françaises et anglaises. Ajoutons à cela une dimension presque mondiale, c'est le désaveu de la France et de l'Angleterre par les États-Unis, en même temps que la menace de l'Union soviétique d'intervenir dans la crise. De Gamal Nasser, on peut dire qu'il exalte d'abord le sentiment national. Mais l'on peut voir aussi quelle influence l'affaire de Suez va exercer sur les autres pays, et notamment les pays du Maghreb. À Rabat, correspondance de Jean Lefebvre, de la Radio Nationale Française, le 28 juillet 1956.